29. Activation orale. Attendre. Présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu restes là? Et vous répondez. Oui, j'attends quelqu'un. À vous. 2. Vous restez là, vous deux? Oui, nous attendons quelqu'un. 3. Elle reste là? Oui, elle attend quelqu'un. 4. Tes parents restent là? Oui, ils attendent quelqu'un. 5. Tu restes là? Oui, j'attends quelqu'un.